Tu parles des coûts limités, de la dignité même dans la faute. Tu refuses qu'on fasse de la justice un spectacle pour la cohorte. Tu dis de ne pas museler le peu quand il faut le grain du champ. Tu enseignes par cette image simple le respect de celui qui travaille en donnant. Tu rappelles que chaque mesure, chaque poids doit être vrai. Donne-nous des poids justes, des balances qui ne trichent pas. Que nos affaires parlent de ton royaume et non de notre appétit de roi. Donne-nous des poids justes dans nos contrats, nos mots, nos regards. Car tu détestes la fraude cachée, tu aimes la vérité quelque part. Tu parles du frère qu'on relève en portant son nom plus loin. Tu refuses que l'on efface sa mémoire comme un rien. Tu rappelles Amalek qui frappait les derniers, les fatigués, les faibles, les épuisés. Tu dis que tu n'oublies pas ces coups par derrière portés à ceux qui ne pouvaient se protéger. Donne-nous des poids justes, des balances qui ne trichent pas. Que nos affaires parlent de ton royaume et non de notre appétit de roi. Donne-nous des poids justes dans nos contrats, nos mots, nos regards. Car tu détestes la fraude cachée, tu aimes la vérité quelque part. Que notre manière de traiter les autres raconte que tu es un Dieu droit.